بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. أحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. كور نيميرو 1 طغب يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا سرا وعلانية على ما أنعم علينا جل في علا وأكرمنا من النعم الكثيرة المتكثرة التي لا يمكن إحصاها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أي الإخوة الكرام، être reconnaissant envers Allah سبحانه وتعالى et le remercier est l'une des choses les plus importantes que الطالب العلم il se doit de se préoccuper, car les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, tullab al-ilm, ils sont énormes. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous sont nombreux et même indénombrables, comme a qala jalla wa ala wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha wa qad qala jalla wa ala washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala si véritablement c'est lui seul que vous adorez. Donc on se doit de remercier Allah azza wa jal comme le verset nous l'ordonne: washkuru lillahi, et soyez reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se doit de le remercier abondamment. C'est véritablement nos poitrines, comme l'a dit Allah azawajal, à renfermer le tawhid, tawhid par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les ins et la terre et les cieux. وَمَا خَلَقَنَا السَّمَوَاتِ وَأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset précédemment cité, وَشْكُرُوا لِلَّهِ, il nous demande de le remercier. Et remercier Allah subhanahu wa ta'ala véritablement comme il l'aime et l'agrée, ça nous demande à nous, ayya l'ikhwatun karam, premièrement, de véritablement vouloir le remercier, avoir la volonté, wal azima, sidq al azima, de le remercier subhanahu wa ta'ala, et que tu prennes deuxièmement, après cela, l'aide auprès d'Allah azza wa jal, pour qu'il t'aide à le remercier. Car tu ne peux que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Kama qala jalla wa ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne pouvez que si jamais Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, le veut. وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُمْ بَلْ يُصِيهِمْ فِي خَاصَةِ أَنفُسِهِمْ أَنْ يَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ عَلَى شُكْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّعَمِ. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, il a certes enseigné à ses compagnons et même leur a enjoint au plus profond de lui-même qu'ils prennent l'aide auprès d'Allah Azzawajal afin de pouvoir le remercier. Car tu ne peux remercier Allah Azzawajal que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ والله إني لأحبك. يا معاذ أوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم a certainement très bien cerné cette grande valeur qui est de prendre l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal afin qu'on lui soit reconnaissant. C'est pour ça qu'il a enjoint au plus profond de lui-même cette valeur-là à ce noble compagnon qui est Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Dans ce hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enjoint à Mu'adh trois choses. Il lui a dit, « Ya Mu'adh, sache que je t'aime et je te recommande, Ya Mu'adh, de ne jamais oublier, après chaque salat, de demander à Allah Azza wa Jal qui t'aide à son rappel, à le remercier et à parfaitement l'adorer. » Donc remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith, il est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh Al-Albani alayhi rahmatullah. Donc remercier Allah subhanahu wa ta'ala véritablement, c'est prendre l'aide auprès d'Allah azza wa jal afin de le remercier. Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik comme dans le hadith. Remercier Allah azza wa jal, ça demande qu'on lui demande l'aide afin qu'on puisse le remercier comme il se doit et comme il aime. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné l'aide afin que tu le remercies, ceci est une ni'ma. Ceci est une ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait. Que tu dois à nouveau, pour cela, le remercier. Car tu ne peux le remercier, comme on a pu le voir, que si Allah subhanahu wa ta'ala, il le veut. Et s'il l'a voulu, ceci est une ni'ma, c'est qu'il t'a voulu un bien. Donc tu te dois de le remercier à chaque fois qu'il t'a facilité de le remercier. يعني tu n'en finis jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا كَمَا فِي الْآيَةِ. الإمام الشافعي عليه رحمة الله dans son kitab, ou plutôt dans la muqaddimah de son kitab intitulé Al-Risala, un livre dans Usul Fiqh, même le premier livre qui a été compilé dans la science de Usul Fiqh, il a cerné le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cerné le fait que de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bienfait qui ne s'en finit jamais. Pourquoi? Parce que si jamais tu le remercies, c'est une ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a accordé. Donc cette ni'ma-là, tu dois le remercier, car Allah azza wa jal dit washkurunillah. Il faut être reconnaissant vers Allah azza wa jal pour les bienfaits qu'il t'a donné. Donc cette facilité qu'il t'a donné et l'aide qu'il t'a donné à le remercier, tu dois le remercier à nouveau. Pourquoi? Parce que il t'a donné l'aide. Donc c'est une ni'ma. Donc tu dois recommencer et à le remercier. فقال رحمه الله تعالى الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمه أو نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي مادي نعمته بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكر الشكر بها شكره بها. Il dit louange à Allah عز وجل, celui qui louange à Allah عز وجل, celui qu'on ne peut remercier d'un bienfait qui nous a octroyé sans pouvoir à nouveau le remercier de nous avoir donné le bienfait de l'avoir remercié. Donc on se doit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit et de manière abondante, car les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont indénombrables et sont nombreux. Fatullab al-'ilm, ceux qui sont les élèves de l'ulama, les ulama qui sont les héritiers, des serviteurs les plus reconnaissants qui sont les anbiya, sont les plus à même d'être les personnes après les messagers et les ulama qui doivent remercier Allah subhanahu wa ta'ala da'iman wa abadan. Tamam? Da'iman wa abadan wa kayfala. Kayfala, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a favorisé et les a élevés au-dessus d'une grande partie de ses serviteurs. Qala jalla wa ala qul hal yastawi alladhina ya'lamun wa alladhina la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager de dire, dis-leur, est-ce que et du même statut la personne qui sait et la personne qui ignore. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Et Allah subhanahu wa ta'ala certes informé que la majorité de ses serviteurs et des êtres humains sont des personnes qui ignorent. Donc طالب العلم, le fait qu'Allah azza wa jalla l'a favorisé et l'a extrait de cette majorité qui ignore, c'est un bienfait qui doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال جل وعلا ولكن أكثرهم يجهلون. La plupart des gens ignore. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jal t'ait fait la faveur et t'ait extrait de ce groupe de personnes qui ignorent, qui est une grande majorité Les êtres humains, c'est un bienfait qu'on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. وكيف لا يكون طالب العلم شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala par ce ilm il élève en degré كما قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah subhanahu wa ta'ala élève en degré les personnes qui ont cru ainsi que ceux à qui a été donné la science. وكذلك قال جل وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين كما في حديث نعم معاوية في مسلم الحبون dans lequel il dit النبي صلى الله عليه وسلم dit celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien il l'aidera à bien comprendre la religion نعم معاوية et le hadith est متفق عليه. Donc comment le talib al-ilm ne peut être reconnaissant auprès d'Allah عز وجل et être parmi les catégories des gens qui le remercient abondamment après qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ait favorisés de ses bienfaits. Wa an Abi Hurayrah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. Rawahu Muslim min hadith Abi Hurayrah. Celui qui prend chemin pour aller à la quête de la science, à la quête du savoir, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera grâce à cela une voie et même la voie la plus facile qui va lui donner l'accès au paradis, la voie la plus facile qui va lui donner l'accès au paradis. Wa kayfa la yakun at-talib al-'ilm shakiran li an'am Allah wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an. Rawahu Abu Hurayrah ou plutôt Muslim selon Abu Hurayrah. Celui qui appelle les gens à une bonne voie aura une récompense égale à celle de tous ceux qui l'ont suivi et cela sans diminuer de leur propre récompense, en diminuer de leur propre récompense. Et ma'ruf, ceux qui sont concernés par ce hadith-là, ce sont les ulama wa tullab al-ilm, ceux qui appellent les gens par clairvoyance et par science. Comme قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. Dit, ceci est mon chemin et ma voie et mon minhaj. J'appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala par clairvoyance. Donc ceux qui sont concernés par ce hadith, qui appellent les gens et qui auront la récompense de ceux qui auront répondu à cet appel-là, ce sont tullab al-ilm, kathalika al-ulama. Wa kayfa la yakun talib al-ilm min akthar al-nas shukran lillahi subhanahu wa ta'ala wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha mata ibn adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin aw na'am aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim min hadith Abi Hurayrah, dans lequel il est dit, à la mort de l'être humain de Ibn Adam, et à l'exception de trois de ses œuvres, toutes les autres œuvres cesseront d'être comptées, seront interrompues, à l'exception de trois, qui sont le monde dont la conséquence, ou plutôt les bonnes conséquences, seront interrompues, ininterrompues plutôt, un savoir profitable et un enfant vertueux qui fera des doigts pour son père. Un enfant vertueux qui fera les dua pour son père. وكيف لا يكون الطالب شاكرا لأنعم الله وأكثر الناس شكرا له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعونة من فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. رواه الترمذي authentifié par Sheikh Al-Albani عليه رحمة الله. Il est dit dans ce hadith, le bas monde est maudit et tout ce qui s'y trouve l'est aussi, c'est-à-dire maudit, sauf la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, son obéissance, et un savant et un homme qui recherchent à apprendre la science, c'est-à-dire que la totalité des gens sont dans la malédiction, à l'exception des personnes qui recherchent le savoir et kadhalika ceux qui enseignent. Donc, comment at-talib al-ilm, après cela, il peut être insouciant et ne pas être parmi les personnes qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala كثيرا وكثيرا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها حتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي authentifié par Sheikh Al-Albani عليه رحمة الله. Dans lequel il dit, la supériorité du savant sur l'adorateur est comparable à ma supériorité sur le moins méritant d'entre vous. Puis il ajouta, Annabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah azawajal, ses anges, les habitants des cieux et de la terre, et même la fourmi dans son trou et la baleine dans la mer prie sur ceux qui enseignent le bien aux gens. وَالطَّالِبُ الْعِلْمِ Et il apprend la science pour, Inch'Allah, être profitable à la communauté ou être profitable, كَذَلِكَ, à la société. فَالْمَلَائِكَ وَهَلُ السَّمَوَةِ الْأَرْضِ وَالْحُوتِ حَتَّى النَّمْلَةِ فِي حُجْرِهَا لَيُسَلُّونَ عَلَى طُلَّابِ الْعِلْمِ Donc ça c'est parmi les fadaïl qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé طُلَّابِ الْعِلْمِ à cette communauté, à cette ta'ifa, à ce comité qui se doit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala énormément car Allah azza wa jal par le fait qu'il leur a facilité et même na'am, les a favorisés aux autres par cette science-là, il se doit d'être reconnaissant da'iman wa abadan laylan wa nahar. Quant au livre que inshallah on va étudier comme on a fait l'annonce, ce livre-là s'appelle Manzoumatul Qawa'id al-Fiqhiyya li fahm an-nusus al-shar'iyya li Cheikh Abdurrahman Ibn Nasser al-Sa'di. Ce livre qu'on va étudier est à la base, n'est pas un poème. Cheikh al-Sa'di l'a écrit dans un texte normal, puis après pour faciliter au tullab al-ilm de apprendre ce matin-là, il a écrit cette manzouma. Et ça va être le but de notre étude, inshallah, tabaraka wa ta'ala, car la poésie c'est plus agréable à apprendre, et naham c'est plus facile, c'est plus agréable et c'est plus facile. Amma moudou hadha al-kitab, c'est-à-dire le sujet de ce kitab-là, huwa ma yata'allaqu bi al-qawa'id al-jami'a lil-qadaya al-mutanathira al-muttahidati fi al-'ilal min al-ahkam al-shar'iyya al-taklifiyya aw al-wad'iyya. Le sujet de ce kitab-là, de cette étude, va être relative aux règles qui vont réunir des cas similaires de situations qui sont quoi ? Différentes et qui sont éparpillées dans plusieurs babs, dans plusieurs chapitres, parmi les chapitres de la jurisprudence. Le but de l'étude de ce livre-là, c'est afin que at-talib al-ilm il ait un mizan, une balance, par laquelle il va pouvoir joindre les choses et les masail, même les cas qui sont similaires, sous cette forme de qa'ida qui est comme un titre, un intitulé, qui va lui faciliter de joindre les masail et les qadaya qui sont similaires. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du cas par cas, de rentrer dans les chapitres de la jurisprudence et prendre chaque hukm cas par cas, pour pouvoir ensuite cerner ces choses-là, cerner les choses qui sont similaires, les ulama ils nous ont facilité la tâche en réunissant par ces qawa'id des qadaya, des cas qui sont d'une même similitude, afin que talab al-ilm il n'ait pas à faire du cas par cas et chercher dans la jurisprudence pour savoir quels sont les cas qui sont similaires des cas qui ne sont pas similaires, et qu'à les cas ça va l'aider afin d'avoir une minhaj, une voie, afin de ne pas se contredire lorsqu'il va déduire tamam, dans les masail al-fiqhiyya. Et le but, comme on a dit, de ces kutub-là, qui sont comme des instruments qui vont nous aider à comprendre le kitab d'Allah Azzawajal, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, c'est afin d'alléger, comme on a pu l'expliquer et le dire plusieurs fois, afin d'alléger l'étude de la jurisprudence. Car comme on a, vous avez pu le voir, pour ceux qui ont suivi dans Sifat al-Salat al-Nabi, on a pu évoquer certaines des règles qui sont présentes dans ces mêmes livres. Alors, c'est-à-dire qu'au lieu de, lorsqu'on évoque ces genres de qawa'id, si on ne les a pas appris, ça va nous demander à faire quoi ? Un charh, une explication de la qa'ida. Parce que la qa'ida, tu peux la prendre pour appuyer même tes arguments. Donc ça va demander aux personnes qui ne comprennent pas de leur expliquer. Donc afin d'alléger l'étude des kutub, inshallah, à venir, dans la jurisprudence, de passer par ce genre de kitab-là, de kutub-là, ça va nous aider à alléger et aller plus vite, inshallah, dans l'étude des livres, inshallah, qui seront à venir. Le nom de ce kitab-là, comme on a pu le voir, lorsque tu rentres dans un kitab qui est relatif à la science légiférée, il est bon de cerner, de te faire une opinion de quel est le sujet du kitab que tu es en train d'apprendre, qui l'a écrit, qui est le premier à avoir compilé cette science-là et l'a rédigé, comme on avait pu l'évoquer dans ces choses-là qu'ils ont appelées les ulama, Mabadi al-ashara. Il y a 12 choses qui est bon de connaître afin de cerner la science dans laquelle tu es rentré, afin de mieux comprendre et savoir qu'est-ce qu'elle comporte. Donc le nom de ce fan-là, de cette matière-là, c'est al-qawa'id al-fiqhiyya, le même intitulé que le livre al-qawa'id al-fiqhiyya, les règles de la jurisprudence. Al-qawa'id fil-lugha, c'est synonyme à al-asas ou al-asl, c'est-à-dire la chose sur laquelle, et on peut rappeler ça par la fondation, la chose par laquelle tu vas fonder d'autres choses, comme c'est le cas de la maison. La maison, elle est bâtie sur des fondations, et l'akhirihi, jusqu'au toit. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Lorsqu'Ibrahim éleva les fondations de Al-Ka'ba. Donc Al-Qawa'id, c'est le jam de Qa'ida, et ça a pour sens Al-Asas. Comme a dit Al-Imriti, وَالْأَصْلُ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ بُنِي. C'est la chose sur laquelle tu vas construire. C'est la chose sur laquelle tu vas construire. Ça, c'est d'un point de vue linguistique. Et le fiqhiyya ma'ruf, c'est la jurisprudence. Ma'rifatu l'ahkam shar'iyya at-taklifiyya, comme ils disent. Certaines personnes, lorsqu'ils rentrent dans qawa'id al-fiqhiyya, ils n'arrivent pas à cerner et faire la différence entre quoi ? Al-qawa'id al-usuliyya, ou bien usul al-fiqh. Certaines des personnes, lorsqu'ils rentrent, disent quelle est la différence entre cette matière-là et cette matière-là ? Je ne la cerne pas. Al-qa'ida, ou plutôt al-qawa'id al-fiqhiyya, elles sont différentes de al-qawa'id al-usuliyya, ou bien usul al-fiqh. Car usul al-fiqh, c'est la science qui est relative à quoi ? Au dalil, au adillah. C'est-à-dire à recherche. Les adillah, on regarde dans les adillah, on essaie de comprendre et de déduire de ces adillah qu'est-ce qui va indiquer maintenant l'obligation ? Qu'est-ce qui va indiquer l'autorisation ? Qu'est-ce qui va indiquer ce qui est recommandé ? Et l'akhirihi, qu'est-ce qui va indiquer que la chose, elle est abolite ? Qu'est-ce qui va indiquer que, parmi les choses, parmi les adillah qui sont mawjouda dans usul al-fiqh. C'est-à-dire que cette science-là, usul al-fiqh, c'est la science qui tourne autour de quoi ? Des adillah. C'est la science qui tourne autour des adillah al-shar'iyya, afin de déduire ce qu'elle indique. Amma al-qawa'id al-fiqhiyya, elle recherche les cas qui sont relatifs aux œuvres des serviteurs. C'est-à-dire la situation qui va arriver, مثلاً dans le wudu, مثلاً dans tahara, dans salati al-akhirihi. Elle ne recherche pas au niveau des adillah, lakin fil qadaya al-amaliyya, les choses qui sont mises en pratique par les serviteurs. Les choses qui sont mises en pratique par les serviteurs. Ça, c'est une différence qu'il y a entre les deux. La deuxième différence qu'ils ont citée, c'est qu'il qawa'id al-fiqhiyya aghlabuha ou aktharuha aghlabiyya. Les qawa'id al-fiqhiyya, ce sont des qawa'id qui souffrent d'exceptions, c'est-à-dire qu'il y a des cas d'exception. Amma al-qawa'id al-usuliyya, ceux qui sont plus connus par usul fiqh, ce sont des, comme ils disent, qawa'id muttarida, qui ne souffrent pas d'exception. Mathalan, lorsqu'ils disent, na'am, al-amr, yadulla ala al-wujub, lorsque une chose est ordonnée, elle indique l'obligation. Ça, c'est une qawa'ida qui est muttarida, qui ne souffre pas d'exception. À chaque fois que tu vas voir un ordre, cet ordre-là, il va impliquer quoi ? L'obligation. Amma al-qawa'id al-fiqhiyya, elle se divise en deux, et une partie d'eux souffre d'exception, c'est-à-dire qu'elle a des exceptions. Ça, c'est les furuq qu'ils ont évoqués entre al-qawa'id al-fiqhiyya ou kadhalika usul al-fiqh, afin de que la personne, lorsqu'elle rentre dans ce fen-là, elle sache qu'est-ce qu'elle est en train d'étudier, et que cette science-là, elle est différente à al-qawa'id al-usuliyya, même si les noms ils sont proches, là qu'il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux. Kadhalika min al-furuq, qui est bien d'évoquer avant de rentrer, inshallah, dans les livres. C'est, avant ça, j'avais oublié, al-farq bayna al-qa'ida wal-asas. Car on a dit que al-qa'ida, c'est quoi ? L'uratan, c'est l'asas. Le farq qu'il y a entre les deux, car comme l'a dit l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dans la langue arabe, il n'y a pas une totale similitude entre deux mots. Deux mots qui sont synonymes, tu vas trouver qu'il y a entre les deux une légère différence. Même si jamais, dans l'intégralité de leur sens, ils se rejoignent. Lakin, kama nulahid, al-qa'ida, c'est une chose qui est utilisée pour les choses qui sont haqiqiyya, hassasiyya. Amma al-asas, c'est pour les choses qui sont quoi ? Virtuelles. Comme qu'a dit subhanahu wa ta'ala, la masjidun ussisa ala taqwa. En parlant de masjid al-Quba, lorsqu'il voulait certaines personnes prier dans le masjid al-Darar, Allah Azza wa Jalla l'a interdit cela. Pourquoi ? Parce que c'était une mosquée qui n'était pas établie sur la piété. Allah Azzawajal a ordonné de prier dans le masjid d'Onkouba, dans ce masjid-là qui a été fondé sur la piété. La piété, est-ce que c'est une chose qui est palpable? Non, c'est pas une chose qui est palpable, c'est une chose qui est quoi? Virtuelle. La kien, Allah Azzawajal, l'a utilisé quoi comme sens? Al-Assas. La masjidun ussisa. Tamam? Abstrait, naam. Zakallah khaira. Tamam? La masjidun ussisa. Il n'a pas utilisé la masjidun qu'ida. Il a dit ussisa. On peut voir à travers que ussisa, c'est plus pour les choses qui sont abstraites et non pas concrètes. Tamam? Abstraites et non pas concrètes. Wa kadhalika, naam, qawlu subhanahu wa ta'ala. Afaman ussisa, naam. Afaman ussisa, naam, bunyanahu ala taqwa min Allah. Si je me rappelle bien. Yani, dhukara fi dhalika, al-assas. Et pour. C'était pour une chose qui est quoi? Abstraite et non pas une chose qui est quoi? Qui est concrète. Amma fi qawli subhanahu wa ta'ala wa idh yarfa'u ibrahim al-qawa'id min al-bayt. Tam la al-qawa'id qui a été utilisé, c'est pourquoi une chose qui est concrète. Tamam, c'est les pierres par lesquelles tu élèves la fondation, tamam, d'une chose. Donc ça c'est parmi les furu' qui est entre quoi? Al-asas wa ash al-qa'ida. Al-asas, il est plus utilisé pour quoi? Les choses qui sont abstraites. Ou amma al-qa'ida pour les choses qui sont concrètes. Kadhalika min al-furuq, car c'est bien de connaître, lorsque tu connais l'opposé d'une chose ou bien la chose qui sont synonymes, lakin dans certains sens, il y avait comment ça s'appelle des opposés, c'est important de savoir afin de ne pas khallat, afin de ne pas mélanger. Afin de ne pas mélanger. Kadhalika, vous pouvez entendre dans cette science-là, dans le qawa'id al-fiqhiyya, des fois ils utilisent le mot qui est quoi? Al-dhabit. Al-dhabit, et même des fois le jam' ils utilisent dawabit, dans dawabit al-jahh wa ta'dil, ila akhirihi. T'as les normes qui vont te permettre de connaître l'éloge et la critique. C'est quoi al-farq bain al-qa'ida wa al-dhabit? Ils disent al-qa'ida c'est aram, c'est-à-dire que c'est la chose qui va réunir des cas similaires dans shitta al-abwab, c'est-à-dire c'est pas restreint à un bab, un chapitre. Parmi les chapitres de la science ou bien de la jurisprudence, la khiri, lakin c'est aram. Maintenant, on va prendre la wajib ma'al adz. Il n'y a pas d'obligation lorsque tu n'as pas la capacité de le faire. Ça, c'est une qa'ida. Cette qa'ida-là rentre dans quoi? Dans beaucoup d'abwab. Elle rentre dans la bab de salah. Si tu n'as pas la capacité de prier debout, tu pries assis. Kadhalika rentre dans quoi? Dans l'wudu. Si jamais l'eau, maintenant, elle est super froide et on est en hiver, tu as peur de vraiment tomber malade, il a khiri. Donc là, yani, tu peux passer à une autre chose, tamam? Tu peux passer à une autre chose si jamais tu crains la chauffer et la khiri. Yani, ça rentre dans beaucoup de abwab. Ça rentre dans beaucoup de abwab. Amma ad-dabit, c'est la chose qui est quoi? Restreinte. Tamam? Un chapitre, parmi les chapitres de la science, tamam? C'est pas, ça rentre pas dans tous les chapitres. Lakin a un seul chapitre. Mathalan, innama al-a'malu bin-niyyat. Ça, c'est une qa'ida, comme on va le voir, inshallah. Al-umur bi-maqasidiha. Ça, c'est un truc qui rentre dans quoi? Comme l'ont dit les fuqaha. Ça rentre dans tous les chapitres de la jurisprudence et l'akhirah. Amma mathalan, si jamais tu dis, kullu ma taghayyara lawnuhu wa ta'muhu wa rihuhu fa huwa najisun. Toute eau dont sa couleur, son odeur et son goût seront altérés, on dira de cette eau-là qu'elle est quoi? Elle est najis. Est-ce que ça rentre dans le bab salah? Ça rentre pas dans le bab salah. Est-ce que ça rentre dans le bab de zakah? Ça rentre pas dans le bab de zakah. Est-ce que ça rentre dans ila khirihi? Non, ça rentre pas. Donc cette chose-là, tu vas pas l'appeler qa'ida, tu vas l'appeler dabit. Pourquoi? Parce qu'elle est restreinte à un bab. C'est-à-dire le bab de naham al-miyah wa al-tahar. Tamam, al-miyah wa al-tahar. Am al-qa'ida, si jamais elle rentre dans plusieurs chapitres, tu vas l'appeler qa'ida. Si c'est une norme qui est utilisée pour plusieurs chapitres, tu l'appelles qa'ida. Si c'est une norme qui est utilisée pour un seul chapitre, tu vas l'appeler quoi? Dabit. Donc ça, c'est le farq entre les deux. Entre dabit wa kadhalika al-qa'ida. Hadduhu, c'est-à-dire la définition de al-qawa'id al-fiqhiyya, istilahan, kama arrafu, faqalu hukm shar'i aghlabi aw kulli yajma'u tahtahu qadaya adida li dabtiha. Donc c'est un jugement religieux arlabi ou kulli, c'est-à-dire qui souffre d'exceptions et certaines des fois il y a des qaïdas qui sont absolues, des qaïdas qui sont absolues, qui ne souffrent pas d'exceptions, dans lesquelles il est réuni beaucoup de cas qui sont similaires, de beaucoup de cas qui sont similaires, afin de pouvoir les joindre et surtout pour les apprendre, afin de pouvoir les joindre et les apprendre, c'est-à-dire que lorsque tu auras la qaïda dans la tête, ça va t'aider. Ce sera ta balance par laquelle tu vas pouvoir joindre Le similaire à la similitude, tamam. Et une chose qui est différente, tu pourras dire, ça rentre pas dedans. Tamam, ça rentre pas dedans. Donc la qaïda va t'aider à cerner les choses qui sont naram pareil. Donc ça te permettra de pouvoir visionner les choses qui ont des similitudes dans les abwab du fiqh. Cette qawaid, elle se divise en trois parties. Qaïda mansousa, qaïda mustanbata, wa qaïda madhhabiyya. Donc qaïda mansousa, c'est-à-dire qu'il y a un dalil qui est venu. Cette qaïda-là, en vérité, c'est un dalil qui a été puisé du kitab au bé de la sunna. Comme la qaïda qui dit la darar wa la dirar. Ni tu te fais du mal et ni tu fais du mal à autrui. Cette qaïda-là, elle a été prise de quoi? D'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit directement la darara wa la dirar. Les fuqahs sont venus et ils ont pris de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en faire une qaïda absolue. Pour en faire une qaïda absolue qui ne souffre pas d'exception, dans laquelle rentrent toutes les cas qui vont te résumer la qaïda, c'est-à-dire lorsque tu vas faire du mal à quelqu'un, ou bien alors lorsque quelqu'un va te faire du mal, cette règle-là se viendra pour juger et pour interdire cette chose-là, t'as-même, pour dire que tu ne fais pas du mal et ni on te fait du mal. Qa'ida al-mustanbata, c'est celle qui a été déduite. C'est-à-dire, ils ont pris la illa, la cause pour laquelle al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce jugement-là. Ensuite, ils en ont pris ce justificatif-là pour en faire une qa'ida, sous laquelle ils vont réunir les choses qui sont semblables. Comme, mathalan, al-'ada muhakkama. C'est-à-dire que la coutume des gens, elle est prise en considération. Et ça a été pris de la parole de Qawlu subhanahu wa ta'ala, wa'mur bil'urf, wa'mur bil'urf. Ils ont dit, yani, c'est le fait de ordonner par les choses qui sont coutumières. C'est-à-dire, lorsque tu ne trouves pas un dalil du kitab et de la sunna, qu'est-ce que tu vas prendre en considération? C'est-à-dire la coutume des gens, à partir du moment que cette coutume-là, elle est bien connue auprès des gens. Elle est bien connue auprès des gens. Donc ça a été déduit d'un texte du kitab ou bien de la sunna, et non, yani, ça a été un dalil, yani, par lui-même. La troisième, on a dit, qa'ida al-madhhabiyya. C'est-à-dire que c'est une qa'ida qu'ils ont déduit d'une idée, d'un point de vue, parmi les points de vue d'un imam, parmi les imams des quatre écoles. Lakin, la qa'ida qu'on va étudier, inshallah, ce sont les deux premières. Qa'ida mansousa, wa al-qa'ida al-mustanbata. Car les deux sont tirés du kitab et de la sunna. Amma al-qa'ida al-madhhabiyya, si jamais elle est, c'est de qawaid, yani que, elles sont pas ma'souma. C'est-à-dire que c'est la parole d'un homme, et l'homme, il peut se tromper, comme a dit l'imam Malik, كل قول يؤخذ ويرد إلا صاحب هذا القبر. Toute parole peut être prise en considération et rejetée, à part la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les qawaid madhhabiyya, qui ont été utilisées pour servir, et pour kadalika, mémoriser, les points de vue des imams, parmi les imams des quatre écoles, ça c'est des qawaid qu'on ne va pas prendre en considération, car le dalil il est dans le kitab, dans la sunna, et kazalika dans la parole des sahaba, dans la parole des sahaba lorsqu'ils sont tous unanimes. Donc les qawaid qui sont présents dans ce livre là, c'est des qawaid qui sont soit mansousa, c'est-à-dire le dalil il est clair et net, c'est la qaïda, c'est comme le dalil, ou bien des qawaid qui sont mustanbata, déduites du kitab ou bien de la sunna. Al-Wadi', celui qui a été connu pour avoir posé la science, et plutôt compilé la science en premier, comme l'ont évoqué le ulama, celui qui a été connu en premier pour faire cela, ou plutôt avant cela, il est bon de savoir que les qawa'id, elles sont venues après que les quatre écoles ont été établies et mises en place. Ces qawa'id-là, elles n'étaient pas connues, plutôt la compilation de ces qawa'id n'était pas connue à l'époque des imams des quatre écoles, qui sont bien connus, inshallah, auprès de vous. Mais comme l'a évoqué Ibn Khaldoun, c'est qu'après que ces écoles ont été établies, certains des personnes qui sont affiliées à ces écoles-là sont venus avec des qawa'id pour essayer de résumer en quelque sorte sur quelle chose et quelle valeur repose dans l'idéologie de chaque madhhab. Donc celui qui était Hanafi est venu à regarder le fiqh al-Hanafi, et ensuite on a déduit par des qawa'id afin de pouvoir mieux mémoriser de manière yani concise ce que réunit le fiqh al-Hanafi. Et kazalika ba'da zalika al-Maliki ila akhirih. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Tamam. Le premier qui a été connu pour avoir fait cela, c'est l'imam Abu Tahir Muhammad ibn Dabbas al-Hanafi, qui est un des jurisconsultes du 3e siècle, entre le 3e et le 4e siècle. Cette personne-là était une personne qui était aveugle, qui était affilée au madhhab de l'imam Abu Hanifa, et qui avait réuni les qawa'id qui sont relatives à l'école de Abu Hanifa, afin de mieux cerner sur quoi repose l'idéologie de, ce, de cette école-là. Donc après chaque nuit, après chaque salat al-Isha, il répétait ces qawa'id, je crois qu'ils étaient du nombre de 17, afin de connaître sur quelle chose se base la science, ou plutôt l'idéologie de, du fiqh de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Abu Hanifa. Donc ça c'est la première personne qui a été connue pour avoir compilé d'une certaine manière, t'as même, pour avoir compilé d'une certaine manière sa qawa'id. Abu Tahir Muhammad ibn Dabbas al-Hanafi, ahad al-fuqaha min al-qarn al-thalith ou al-rabi'. Mais sinon, comme on a pu l'évoquer aussi kazalika auparavant, ces qawa'id elles étaient connues et présentes dans certains livres avant cette personne-là, comme c'est le cas des deux compagnons de l'imam Abu Hanifa, c'est-à-dire Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim et Karaika Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, les deux compagnons de l'imam Abu Hanifa. Les deux compagnons de l'imam Abu Hanifa, dans leurs livres, il était connu qu'ils avaient utilisé certaines de ces qawa'id, parmi les qawa'id yani, par lesquelles tu réunis les cas similaires. Donc, elles étaient présentes dans certaines des livres, mais le premier vraiment qui est venu, qui a compilé, c'est cette personne-là qui est nommée Abu Tahir Muhammad ibn Dabbas al-Hanafi, alayhi rahmatullah. Amma al-istimdad, c'est-à-dire d'où a été puisée cette science-là, ma'ruf, min kalam Rasulillah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, comme on a pu le voir, car les qawa'id se divisent en deux parties en vérité, celles qui sont considérées. Mansousa wa mustanbata. Mansousa, c'est directement par le dalil. Tu appelles la qa'ida par le dalil. La darar wa la dira. Ça, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette qa'ida-là, elle a été épuisée de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est connu, le prophète alayhi wa sallam, il a été favorisé à autre des messagers par quoi? Jawami' al-Kalim. C'est-à-dire des paroles qui sont concis et qui comportent de grandes valeurs. Qui comportent de grandes valeurs et de nombreux sens. Donc les ulama, ils sont venus d'une certaine manière avec leur qawa'id pour que leur qawa'id ressemble un peu à la parole du prophète, c'est-à-dire une qa'ida avec peu de mots, lakin qui va regrouper beaucoup de choses, même, qui va regrouper beaucoup de choses. Donc ça a été puisé de la sunna du prophète, min jawami' kalamihi. Ils ont voulu faire la même chose qu'avec la jawami' al-kalim, c'est-à-dire les paroles concises qui ont été données au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. La dara wa la dira. Wa kadhalika, Nabi sallam il avait dit la al-jarah bid-daman. Wa kadhalika, ad-dain maqdi ila akhirihi, parmi les qawa'id, ou plutôt jawami' al-kalim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a utilisé. Amma hukm al-shari', c'est-à-dire quel est le jugement religieux sur le fait d'apprendre cette science-là, ça fait partie des furud al-kifa'iyya. Ça fait partie des furud al-kifa'iyya. C'est pas une science qui est obligatoire à toute la communauté selon l'individu, la quine selon la suffisance. Et hatta, c'est pas conditionné afin que la personne soit un faqih, soit un jurisconsulte, qui passe par l'apprentissage de ce genre de choses-là. Il peut comprendre le fiqh sans pour autant passer par ces choses-là. Amma, si jamais il passe par ces choses-là, Inch'Allah, ça va lui donner une plus grosse valeur dans la jurisprudence. La quine, est-ce que c'est conditionné afin de comprendre le fiqh de passer par le qawa'id al-fiqhiyya, c'est pas conditionné. Tu peux très bien les apprendre tout en étudiant directement le fiqh sans passer par l'étude au préalable de qawa'id al-fiqhiyya. Donc, c'est bien de les faire au préalable, lakin celui qui ne les fait pas, inshallah ta'ala, on peut pas dire que pour cela que na'am, ce sera pas un faqih et l'akhiri. Amma nisbatuhu, c'est-à-dire le lien entre cette science-là et la religion, ça fait partie des sciences religieuses. Hatta même, on l'a appelé al-qawa'id al-fiqhiyya parce qu'elles sont apparentées à quoi? Et liées et relatives à la jurisprudence. Amma fadluhu, comme l'ont décrit beaucoup de ulama, comme c'est le cas de l'imam Ibn Rajab, wa kadhalika al-Suyuti, wa kadhalika al-Qurafi, min al-Shafi'iyya, ils ont dit que ce ilm-là qui est al-qawa'id al-fiqhiyya, c'est un ilm qui est muhim jiddan. Wa qalu, annahu azim al-qadr. وقالوا بقدر الإحاطة به يعظم قدر الفقيه وشرفه. Plus le faqih, le jurisconsulte, il va prendre en considération ses qawaid et il va les étudier, et plus ça va l'aider, plus ça va l'aider à mieux comprendre la jurisprudence. Donc les ulama, comme c'est le cas des ulama qui ont été cités, ils ont fortement incité à étudier ce genre de qawaid, car inshallah elle facilite, et surtout à te permettre de ne pas te contredire. C'est-à-dire que tu auras une voie par laquelle tu vas marcher, un itinéraire que tu vas suivre, qui va te permettre de ne pas te contredire, de ne pas te contredire dans tes jugements, et qu'à l'écart dans tes déductions. Amma thamaratuhu, le fruit de ce ilm-là, va te permettre de pouvoir réunir les masa'il qui sont éparpillés. Et surtout qu'à l'écart, de pouvoir les apprendre d'une manière concise et rapide. Tu connais la qa'ida. Et cette qaïda-là, elle va te suffire de ne pas prendre tous les cas similaires. Laquelle tu vas prendre cette qaïda-là, et cette qaïda-là, Inch'Allah, elle va réunir tous les cas similaires. Car si jamais tu fais l'inverse, tu veux apprendre, faire du cas par cas, apprendre chaque cas, c'est plus long que de prendre une qaïda sous laquelle est réuni tous les cas qui sont similaires à cette qaïda-là. Et quand les cas, comme j'en dis, ça va aider à talib al-ilm, et ça va lui alléger l'apprentissage de la jurisprudence. Donc ça, c'est parmi thamaratu hadha al-ilm. Thamaratu hadha al-ilm, c'est ce qu'on a pu citer. Ensuite, ils ont évoqué une mas'ala qui est importante à savoir, qui est: est-ce que ces qawa'id-là sont un dalil en elles-mêmes? Est-ce qu'il t'est permis de juger par ces qawa'id? Comme on a pu le voir, ces qawa'id awalan tanqasim ila aqsam, elle se divise en plusieurs parties. T'as des qawaid, comme on a pu le voir, qui sont mansousa, qui sont un dalil, qui ont été tirés d'un dalil directement, comme c'est le cas de la darar ou la dirar. Ce genre de qawaid qui sont mansousa, c'est-à-dire qui sont en elles-mêmes un dalil, naham, elles sont telles que le dalil. Ou le dalil, c'est une preuve que tu appliques sur toi-même et que tu appliques sur les autres. Amal qawaid qui sont mustandata, qui sont déduites d'un jugement religieux, comme on a dit, ces qawa'id-là, elles se divisent en deux. Il y en a qui sont absolus, c'est-à-dire qui ne souffrent, pas d'exception, et d'autres qui sont quoi? Qui souffrent d'exception, c'est-à-dire qu'il y a des exceptions. Donc à partir du moment qu'on sait qu'il y a des exceptions, qui nous dit lorsque toi tu vas utiliser cette qawa'id-là, sur le cas, ou parmi, sur le cas, parmi les cas qui te seront présentés, qui te dit que ce cas-là, il ne rentre pas dans l'exception de cette qawa'id-là? Il hatta. Certains des ulama, ils ont été clairs sur dans leur fatwa, dans le fait, plutôt sur la question qui a été posée, est-ce qu'on peut prendre une qa'ida qui est mustanbata aghlabiyya pour en faire un dalil? Peut-on prendre une qa'ida qui est mustanbata, c'est-à-dire qui a été déduite d'un texte du kitab ou bien de la sunna, laquine qui souffre d'exceptions, qui a ces exceptions, peut-on prendre de cette qa'ida-là pour en faire un dalil? Il y en a un des alim parmi les alim de ce qawa'id, il a dit أنه لا يجوز الفتوى بما تقتضي القواعد والضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية. Il n'est pas possible de prendre ces qawa'id qui ont été déduites, ou bien ces dawabit qui ont été déduites du kitab de la sunna, car elles ne sont pas quoi? كلية, elles ne sont pas absolues, elles souffrent d'exceptions. وكذلك قيل أو قال أحد من العلماء من هذا الفن قال حكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صحيح لا يحكمون بمجرد الاستناد الى واحده من هذه القواعد. Les jurisconsultes, à partir du moment qu'ils n'ont pas un dalil qui est sarih, un dalil qui est clair et net et précis, ils ne se suffisent pas de prendre ces qawaid qui sont aghlabiyya afin d'en faire un jugement et d'en faire une fatwa. Donc ça, c'est les fatawa des ulama parmi les ulama de ce fen. Donc ils nous font part que ces qawa'id qui sont mustanbata aghlabiyya, tu ne peux pas les prendre pour en faire un dalil. Pourquoi? Parce que elles souffrent d'exception. Il y a des exceptions. Donc comment on peut prendre ces qawa'id-là pour faire un dalil alors que tu ne sais pas, est-ce que le cas sur lequel tu es en train de juger avec ta qa'ida a fait partie des exceptions ou pas? Donc ce n'est pas un dalil en elle-même. Les qawa'id qui sont mustanbata ne sont pas un dalil en elle-même, à partir du moment qu'on sait qu'elles sont quoi? Aghlabiyya, c'est-à-dire qu'elles souffrent d'exception. Donc, pour répondre à la question de qui est posée, est-ce que al-qa'ida en elle-même c'est un dalil? C'est pas forcément un dalil. Et hatta al-qawa'id qui sont kulliya, c'est-à-dire qui sont absolus, qui ne souffrent pas d'exception. On ne parle pas de celles qui sont mansoussa, hein, car ça c'est un dalil. On parle des qawa'id al-mustanbata, qui ont été déduites, et qui sont quoi? Kulliya, c'est-à-dire qui ne souffrent pas d'exception. Ces qawa'id-là, qui ne souffrent pas d'exception, tamam, comme c'est le cas, مثلاً, la wajib ma'al adz. Il n'y a pas d'obligation à partir du moment que tu n'as pas la capacité. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ». Lakin, c'est pas pour autant que tu prends cette qaïda là. Pourquoi? Pour faire un autre jugement. Tu t'arrêtes à cette qaïda. مثلاً, la personne qui est à qui lui a adressé la situation d'une personne qui n'a pas la capacité de prier debout. Lui, il a cette qaïda là en tête. La wajib ma'al adz. Il n'y a pas d'obligation si jamais tu n'as pas la capacité. Lui, il s'arrête à la qaïda. Pourquoi cette qaïda là? Elle ne souffre pas d'exception. Il lui dit, en tout cas, moi, ce que je sais de cette qaïda-là, c'est que tu ne peux pas prier debout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la capacité. Et dans l'islam, toute situation où tu n'as pas la capacité, ça ne devient plus une obligation. Donc, ce n'est plus obligé pour toi d'être debout. Lakin, est-ce qu'il lui est permis après cela de faire un autre jugement et lui faire une fatwa et lui dire, appuie-toi sur un bâton pour prier ou autre parmi les fatawas? Là, c'est pas... il lui a pas permis de faire cela. Il s'arrête et se limite à ce que indique la qaïda. Il ne fait pas un autre jugement sur cela, comme l'ont dit certains des ulama de ce fin de cette matière là. قال الحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد. Donc à partir du moment où tu n'as pas un dalil sarih, tu n'as pas une preuve claire et nette, ne t'amuse pas à faire des fatawa dont la qaïda n'appelle pas à ce que tu fasses ce genre de fatawa. Donc tu t'arrêtes et tu te limites à ce que dit la qaïda. Même Hatta, Cheikh, Hafidahullah, Ta'ala, Cheikh Yahya, il a beaucoup même critiqué à Cheikh Farkos le fait qu'il utilisait beaucoup dans ses arguments al-qaïda. La qaïda dit, la qaïda dit, la qaïda dit. Cheikh, il a dit al-qaïda, al-qaïda. Il dit al-qaïda, naam, il y a des qawa'id qui sont basés sur des dalils. Lakin, t'as pas, tu mémorises pas le kitab et la sunna, tu sais pas dire qal Allah qal Rasul, qal Allah qal Rasul, qaida taqul al qaida taqul, la règle dit, la règle dit, non. Ad-din c'est qal Allah, qal Rasul, qal as-sahabatu, comme qala al-imam Ibn Qayyim alayhi rahmatullah, wa qala al-allama al-imam al-khatib fi kitabih al-faqih wa al-mutafaqih usul ad-din thalatha, al-kitab, la sunna, al-ijma', les fondements, les dalils du din, c'est le kitab, la sunna et l'ijma'. Ça c'est les fondations et les preuves de notre religion. Lorsque tu veux argumenter, tu dois argumenter par ces choses-là. Et la qaïda, c'est bien pour fortifier tes arguments. Tu viens pour fortifier tes arguments. Ou bien lorsque, مثلاً, tu ne connais pas le dalil. Tu ne connais pas le dalil, et bien utilise cette qaïda-là et œuvre de ce que implique et t'appelle la qaïda. Et tu ne dépasses pas ces choses-là. Certaines des personnes peuvent dire ces qawa'id, elles ont des exceptions. Donc comment on peut prendre ces qawa'id-là pour en faire des qawa'id? Une qaïda, il faudrait qu'elle soit absolue, afin de dire quelle est une qaïda, quelle est une règle, qu'on fasse de cette chose-là une règle. Donc comment on peut prendre de ces choses-là, dans lesquelles il y a des exceptions, pour en faire une qaïda? Comme ils ont dit, à partir du moment qu'il y a quelques cas qui sont rares, qui sortent de cette qaïda, qui sont des exceptions, en aucun cas, c'est une influence sur la véracité de la qaïda. Une qaïda, elle se suffit pour être une qaïda à partir du moment où la majorité des cas qui lui ont été exposés, ils rentrent en dessous de cette qaïda-là. On ne peut pas prendre le cas qui est minime et infime pour le faire prévaloir à la majorité des cas qui rentrent sous cette qaïda-là. Donc, ça n'a pas d'influence sur la véracité de la qaïda. Elle est mise en vigueur. Lakin, il faut faire attention car il y a certains cas qui sont des exceptions et qui ne rentrent pas sous la qaïda. Donc ça c'est une chose qui est bonne à savoir. C'est une chose qui est bonne à savoir. Ça c'est de manière générale pour se faire une opinion de Barakhlofikum, du fen qu'on va apprendre, du fen qu'on va étudier. C'est pour se faire une opinion du fen qu'on va étudier. Et Inch'Allah, dans un prochain cours, on va étudier la biographie de l'imam As-Sa'di, alayhi rahmatullah, et on va rentrer, inshallah, directement après cela, dans le poème. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous facilite, comme il nous a facilité pour les autres séries de cours, afin d'accomplir et d'achever, d'aboutir à la fin de ce poème, inshallah, tabaraka wa ta'ala, en sortant avec de grands profits de ce livre-là, car c'est un livre, comme on va le voir, inshallah, tabaraka wa ta'ala, qui appelle aux œuvres, qui appelle à œuvrer. C'est un livre qui appelle à œuvrer. Donc, inshallah, tabaraka wa ta'ala, dans une prochaine assise, on poursuivra, inshallah, le cours. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين